FrenchPod.com. On peut savoir ce que tu fais à bailler aux corneilles ? Remue-toi un peu, on a du pain sur la planche. Pourquoi tu me brusques comme ça ? Je faisais simplement une petite sieste digestive. Si tu savais tout ce que je me suis enfilé pendant le déjeuner d'affaires ? Justement, parlons-en. J'ai l'impression que tu t'en donnes à cœur joie avec les notes de frais. Tu peux m'expliquer la facture de 4 689 € du mois dernier ? Oh là là, ne commence pas à mégoter. Si tu veux conquérir de nouveaux clients, il faut y mettre le prix. Leur en mettre plein la vue. Et je ne vais pas descendre dans n'importe quel trois rats. Il y a une différence entre un hôtel respectable et la suite royale du Hilton. Petit déjeuner pour deux, champagne, cela faisait partie également de tes attributions ? Un petit extra, c'est tout. Que veux-tu que j'y fasse ? Mes clients ont insisté pour m'offrir ce petit cadeau. Je ne pouvais pas refuser. En attendant, la compagnie est au bord de la faillite. Et on avait validé ensemble une nouvelle ligne de restrictions budgétaires. Tu sembles avoir la mémoire courte. Je suis le patron et je fais ce que je veux. Si quelqu'un y trouve à redire, qu'il prenne la porte, je ne le retiendrai pas. Tu ne manques pas d'air. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je reste l'actionnaire majoritaire de cette société. Et les décisions finales m'appartiennent toujours. Reprends-toi en main, c'est mon dernier avertissement. On croit rêver. J'ai ma part de responsabilité dans la réussite de certains grands projets ici. La fusion-acquisition avec le groupe Mirlor, l'appel de fonds qui a permis de lever plus d'1 million pour le chantier en Normandie. Tu n'as fait qu'achever un travail de longue haleine préparé depuis longtemps par nos collaborateurs. Ne t'octroie pas le mérite du travail des autres, même si tu as également fait du bon boulot, je te l'accorde. Tâche d'y réfléchir et de continuer comme ça, au lieu de tout gâcher comme cela a été le cas dernièrement. Je te vois demain matin à 9h pour un point sur notre nouvelle stratégie marketing. Ok papa, compris. À demain.